Deutéronome chapitre 2. Alors nous retournâmes en arrière, et nous allâmes, au désert par le chemin de la mer Rouge, comme l'Éternel m'avait dit, et nous tournoyâmes longtemps près de la montagne de Séir. Et l'Éternel parla à moi, en disant, vous avez assez tournoyé près de cette montagne, tournez-vous vers le septentrion. Et commande au peuple, en disant, vous allez passer la frontière de vos frères, les enfants de Haxantégu et Saïtréma qui demeurent en Séir, et ils auront peur de vous, mais soyez bien sur vos gardes. N'ayez point de démêlés avec eux, car je ne vous donnerai rien de leur pays, non pas même pour y pouvoir asseoir la plante du pied, parce que j'ai donné à eux et Saïtréma, la montagne de Séir en héritage. Vous achèterez de les vivres à prix d'argent, et vous en mangerez, vous achèterez aussi de l'eau à prix d'argent, et vous en boirez. Car l'Éternel ton Dieu t'a béni dans tout le travail de tes mains, il a connu le chemin que tu as tenu dans ce grand désert, et l'Éternel ton Dieu a été avec toi pendant ces 40 ans, et rien ne t'a manqué. Or nous nous détournâmes de nos frères, les enfants de Haxantégu et Saïtréma, qui demeuraient en Séir, depuis le chemin de la campagne, depuis Elat, et depuis Etion-Guébé, et de là nous nous détournâmes, et nous passâmes par le chemin du désert de Moab. Et l'Éternel me dit, ne traitez point les Moabites en ennemis, et n'entrez point en guerre avec eux, car je ne te donnerai rien de leur pays en héritage, parce que j'ai donné Ar en héritage aux enfants de l'eau. Les Émins y habitaient auparavant, c'était un grand peuple, et en grand nombre, et de haute stature comme les Anakins. Et en effet ils ont été réputés pour Réphaïm comme les Anakins, et les Moabites les appelaient Émins. Les Oriens demeuraient aussi auparavant en Séir, mais les enfants de Haxantégu et Saïtréma les en dépossédèrent, et les détruisirent de devant eux, et ils y habitèrent en leur place, ainsi qu'a fait Israël dans le pays de son héritage que l'Éternel lui a donné. Mais maintenant levez-vous, et passez le torrent de Zéred, et nous passâmes le torrent de Zéred. Or le temps que nous avons marché depuis Kadébarnée, jusqu'à ce que nous avons eu passé le torrent de Zéred, a été de 38 ans, jusqu'à ce que toute cette génération-là, savoir les gens de guerre, a été consumée du milieu du camp, comme l'Éternel le leur avait juré. Aussi la main de l'Éternel a été contre eux, pour les détruire du milieu du camp, jusqu'à ce qu'il les ait consumés. Or il est arrivé qu'après que tous les hommes de guerre d'entre le peuple, ont été consumés par la mort, l'Éternel m'a parlé et m'a dit, tu vas passer aujourd'hui la frontière de Moab, savoir Ar. Tu approcheras vis-à-vis des enfants de Ammon, tu ne les traiteras point en ennemis, et tu n'auras point de démêlés avec eux, car je ne te donnerai rien du pays des enfants de Ammon en héritage, parce que je l'ai donné en héritage aux enfants de l'eau. Ce pays aussi a été réputé pays des Réphaïm, car les Réphaïm y habitaient auparavant, et les Ammonites les appelaient en humains, qui étaient un peuple grand et nombreux, et de haute stature comme les Anakins, mais l'Éternel les fit détruire de devant eux, et ils les dépossédèrent, et y habitèrent en leur place. Comme il avait fait aux enfants de Haxantégu et Saïtréma qui demeuraient en Séir, quand il fit détruire les Oriens de devant eux, et ainsi ils les dépossédèrent, et y habitèrent en leur place jusqu'à ce jour. Or quant aux Oviens, qui demeuraient en Hatsérim, jusqu'à Gaza, ils furent détruits par les Caphtorins, qui étant sortis de Caphtor, vinrent demeurer en leur place. L'Éternel dit aussi, levez-vous, et partez, et passez le torrent d'Arnon, regarde, j'ai livré entre tes mains Sion, roi d'Hesbon amoréen, avec son pays, commence d'en prendre possession, et fais-lui la guerre. Je commencerai aujourd'hui à jeter la frayeur et la peur de toi sur les peuples qui sont sous tous les cieux, car ayant ouï parler de toi ils trembleront, et seront en angoisse à cause de ta présence. Alors j'envoyai du désert de Kedémoth des messagers à Sion, roi d'Hesbon, avec des paroles de paix, disant, que je passe par ton pays et j'irai par le grand chemin, sans me détourner ni à droite ni à gauche. Tu me feras distribuer des vivres pour de l'argent, afin que je mange, tu me donneras de l'eau pour de l'argent, afin que je boive, seulement que j'y passe de mes pieds. Ainsi que m'ont fait les enfants de Haxantégu et Saïtréma qui demeurent en Séir, les Moabites qui demeurent à Ar, jusqu'à ce que je passe le Jourdain pour entrer au pays que l'Éternel notre Dieu, nous donne. Mais Sion, roi d'Hesbon, ne voulut point nous laisser passer par son pays, car l'Éternel ton Dieu avait endurci son esprit, et roidi son cœur, afin de le livrer entre tes mains, comme il paraît aujourd'hui. Et l'Éternel me dit, regarde, j'ai commencé de te livrer Sion avec son pays, commence à posséder son pays, pour le tenir en héritage. Sion donc sortit contre nous, lui et tout son peuple pour combattre en Jaha. Mais l'Éternel notre Dieu nous le livra, et nous le bâtîmes, lui, ses enfants, et tout son peuple. Et en ce temps-là nous prîmes toutes ces villes, et nous détruisîmes à la façon de l'interdit, toutes les villes où étaient les hommes, les femmes, et les petits-enfants, et nous n'y laissâmes personne de reste. Seulement nous pillâmes les bêtes pour nous, et le butin des villes que nous avions prises. Depuis Aroé, qui est sur le bord du torrent d'Arnon, et la ville qui est dans le torrent, jusqu'en Galaa, il n'y eut pas une ville qui pût se garantir de nous, l'Éternel notre Dieu nous les livra toutes. Seulement tu ne t'es point approché du pays des enfants de Ammon, ni d'aucun endroit qui touche le torrent de Jébo, ni des villes de la montagne, ni d'aucun lieu que l'Éternel, notre Dieu nous eût défendu de conquérir.